La Reine des Oiseaux, conte animalier africain de tradition orale, enregistré par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. L'autruche était depuis toujours la reine des oiseaux. Grande et forte, elle savait courir très vite, mais surtout elle était extrêmement sage et perspicace. Cependant, certains oiseaux, surtout ceux qui étaient fiers de voler haut et bien, se plaignaient de leur reine. L'aigle protestait plus que les autres. « Comment se fait-il que l'autruche soit notre reine, puisqu'elle ne sait pas voler? Pendant que nous y sommes, une poule pourrait aussi bien faire l'affaire. » Le cormoran, l'albatros, puis le septentaire se rallièrent à l'aigle, obtenant que l'on procède à de nouvelles élections. L'oiseau qui volerait le plus haut régnerait sur les autres. L'autruche ne participa même pas à la compétition, et de honte se cacha la tête dans le sable. La compétition commença. Le cormoran, l'albatros et le serpentaire s'élevèrent très haut dans le ciel, mais l'aigle vola encore plus haut. Il planait triomphalement dans les nuages, quand il vit soudain un petit troglodyte s'agiter au-dessus de lui. Il s'était caché subrepticement dans le plumage de l'aigle qui l'avait emporté jusque dans le ciel. L'aigle tenta en vain de voler encore plus haut, mais les forces lui manquèrent. Les oiseaux furent interloqués et mécontents. Ce minuscule troglodyte ferait, en vérité, un piètre roi. Le petit oiseau se hâta de les rassurer. « Je ne veux pas être roi. Quel souverain pourrais-je faire ? Aussi mauvais que ce stupide aigle qui se laisse duper par n'importe qui ? Que la sage autruche continue à être notre reine. » Et c'est ainsi que l'autruche resta la reine des oiseaux.